Bonsoir, bonsoir petits et grands, comment allez-vous? Ah, on se sent mieux, hein? Eh oui, il y a un peu d'air, un peu de place. Bon, on verra la suite. Bref, vous avez compris ce que j'ai dit, c'est pas grave, vous suivez pas l'actualité. Aïe, aïe, aïe, aïe, la machine à son, heureusement, est là pour vous informer un petit peu de ce qui se passe dans le monde d'avant, dans le monde de demain, mais le présent, à vous de vous en occuper. Donc, après ces paroles qui me donnent mal à la tête, nous allons démarrer tranquillement cette émission. Le professeur est un peu obnubilé par le plastique ce soir. Je ne sais pas pourquoi. Il m'a expliqué une histoire de rêve cauchemardesque où tout était en plastique. En fait, nous ne sommes que des... J'essaie de réparer en même temps le micro où je vous parle parce qu'il bouge en tous les sens. C'est compliqué. Et oui, j'aime bien vous faire vivre un petit peu ce qui se passe en direct. Vous entendez les bruits, les sons. Tac, tac, tac. Donc le professeur est obnubilé par le plastique. Il y a du plastique partout, dans la mer, dans le machin. Et en fait, cette nuit, il est arrivé... en réalité, tout le monde était en plastique. Tout n'était que plastique. Et on nous fait croire que non. Mais en fait, si. Et donc, du coup, il m'a dit, on va faire ce soir une émission pour les gens en plastique, pour le peuple du plastique. Bon. Donc, je ne sais pas trop quoi faire avec ça. Donc, alors, évidemment, comme à chaque fois, il m'a ramené tous ces sacs de disques. Et puis, il va falloir que je trouve. J'ai eu un petit moment, là, il est parti aux chiottes, il est resté coincé. Donc, je l'ai laissé tranquille marronner. J'ai pu fouiller un petit peu. Et trouver des choses, on verra. Alors, le thème du plastique, vous l'imaginez. Donc, imaginez que vous êtes un monde en plastique. Vous êtes vous-même de plastique dans une soirée où tout est en plastique. Donc, vous voyez des belles lampes en plastique, des tables, des chaises, des fringues en plastique. Tout est en plastique. Des disques en plastique que vous mettez sur des platines en plastique aussi. Et vous êtes évidemment toutes et tous de plastique incroyable. C'est le monde merveilleux. Thank you. morphine and traveling and stuff like that. He gets married and divorced, but he doesn't appear to have a serious direction. His common law wife, Joan, and he in Mexico, and he shoots her in a drunken game of Will and Tell. Ultimately, he leaves Mexico and is convicted in absentia and is, has a 2-year suspended sentence or something like that. It seems awfully lean that he got away with murder. Got a little girl. Alors, c'était pas de l'introduction en plastox. Eh oui, ben oui, c'est toujours comme ça dans la machine à son. Il faut bien que je vous mette à notre niveau. Donc maintenant, cérébralement, vous êtes prêts. On va pouvoir attaquer. Alors, ce qui suit, ça date de l'époque où il n'y avait pas encore de plastox. Par contre, ce qu'il raconte, c'est toujours, mais toujours d'actualité. À chaque coin de rue, le travailleur surpris, sur l'affiche se rue, des candidats de Paris. On voit beaucoup de promesses, écrites sur le papier, mais le peuple ne vit pas de messe, alors ça le fait crier. Le gouvernement de Ferry est un système pourri, cette floquée de constance sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer, pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. Le gros ventru congresse, le suffrage universel, vient vous battre la grosse caisse, comme Monsieur Géraudel. Il vous promet tout rose, mais quand il est élu, ça n'est plus la même chose, il vous tourne le cul. Certains énergumènes, débitants de discours, vous redisent les rengaines qu'on entend tous les jours. Moi je suis un homme intègre, moi je suis un érudit, mon copain est un pègre, mais le populo leur dit, gouvernement de Ferry est un système pourri, cette floque et le constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer, pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. Même des socialistes, membres de comités, soutiennent les fumistes qui se portent députés. Y a pas à s'y méprendre, qu'ils soient rouges, bleus ou blancs, il vaudrait mieux les pendre que leur foutre 25 francs. Tu leur paies des ripailles, toi peuple souverain, et lorsque tu travailles, à peine as-tu du pain. Ne sois non plus si bête, au lieu d'aller voter, casse-leur la margoulette, puis tu pourras chanter. Le gouvernement de Ferry est un système pourri, cette floque et le constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer, pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. De toute cette histoire, voici la conclusion. L'électeur, c'est notoire, n'a pas toute sa raison. Je n'aime pas le fataliste, je n'ai ni foi ni loi. Je suis abstentionniste, ami, voici pourquoi. Gouvernement de Ferry est un système pourri, cette floque et le constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer, pour être heureux. presence from conflict from the mental. Walking left and right, walking left and right. Stalking predator beneath your heart. Thank you. On a ship or in a plane? Is Mr. Taylor on a ship or in a plane? What is a fat lady doing? John's wife. Is the ship going to America or Australia? What is the fat lady doing? Is Mr. Taylor talking to a friend? Thank you. toi sur moi. Tu me caresses si bien. Après ces quelques minutes de poésie, et oui, il faut bien un petit peu de poésie dans la machine à son de temps en temps, ça fait du bien. Et puis quand même, voilà, hein, c'est pas tous les jours quand même que vous entendez ce que vous avez entendu. caresse de deux branches. Alors le cœur d'un coquillage se mit à battre sur la plage. Ainsi est né il y a 100 000 ans le temps, le temps, le temps, le temps du tempo. Alors la vague qui se balance se mit à frapper en cadence, et les oiseaux qui étaient muets un à un se mirent à chanter. Ainsi est né dans les violons du vent le temps, le temps, le temps, le temps du tempo. Petit à petit il grandit, joue à cloche-pied sur les îles, traverse de lointains pays, arrive en vue des grandes villes. Il traverse les rues à grands coups de klaxon, il éclate de rire sous le soleil des plages. Il secoue les fenêtres, fait trembler les maisons et rend folle pour la vie la fille la plus sage. Matters know you already know. Matters. street. Another girl in the neighborhood. When she was mad, she looked so good. I wanna hold her tight. Get teenage kicks right through the night. I'm gonna call her on the telephone. Have her over cause I'm all alone. I don't want the respect. They should dread my name. I don't want your land. I want your life. Send the word that it is time. Thank you. chers amis. Eh oui, le temps passe vite quand on est en de bonne compagnie. Et oui, là, le professeur et moi, nous sommes espantés. Hein. Cette idée du plastique, c'était fantastique. Oh là là là là. Eh oui, ça ne s'améliore pas vraiment. Donc ce soir, vous avez écouté que des belles chansons, bien sûr. Et là, derrière moi, encore légèrement présent, Quincy Jones, Bror Gunnar Johnson, The Undertones, les Sonics, Irebelli, Franz Gall, Jacques Loussier et son orchestre, The Feedback, Michel Fouille et Henri Trey avec Plaisir Solitaire, la pépite de la soirée, Annick Nosati. Alors ils sont graves les mecs parce que déjà ils font un truc quand même qui est charmé, mais en plus ils citent même pas la meuf qui chante, c'est quand même dingue. Bon, bref, donc Michel Fouille, allez Fouille, hein. Annick Nosati, Archienne de Bunker, Chris Nkose, qu'est-ce qu'il y avait avant, Céron, eh oui, incroyable Céron, sans doute la première fois qu'il y a Céron dans la machine à son, enfin en tout cas s'il y a déjà eu, je ne m'en rappelle pas. Et bah c'est pas grave, en même temps c'était pas mal, hein. Un morceau qui s'appelle Expérience, c'était vraiment une expérience. Marc Augeret, Faut plus de gouvernement, ben voilà, c'est fait. Pink Floyd, Lucy, Live, fabuleux morceau. Et puis avant, une petite introduction plutôt sympathique. Bonne nuit, à la semaine prochaine. Yeah.